Fred Bertrand nous conduit dans la prière. Randuku Bertrand dans cette tombée. En conversant un musée. Hébreux 7, jusqu'à la Kimoja. En effet, c'est Melchisedec était roi de Salem. Melchisedec, ne me fallait mais roi Salem. Sacrificateur du Dieu très haut. Mkwali wa Mungwali Eju. Il alla au-devant d'Abraham, lorsqu'il revenait de la fête du roi, il le bénit. Akaenda mbele Abraham aliporudi kushinda wafalme naye akambariki. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham akampatia chekumi ya vitu vyote. Il est d'abord roi de justice. Kwanja yeye ni mfalme wa haki. D'après la signification de son nom. Sawa sawa na maana ya jina lake. Ensuite, roi de Salem. Kisha ni mfalme wa Salem. C'est-à-dire roi de paix. Maana yake mfalme wa salama. Il est sans père. Ana na baba. Sans mère. Ana na mama. Sans généalogie. Ana tena kizazi. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Ana na mwanjo ya mashiku na mwisho ya mashiku. Mais il est rendu semblable au fils de Dieu. Lakini yeye anafananishwa na mwana wa Mungu. C'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Na huyu Melchisedec na baki ya kuhani kwa lote. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi ya maneno lake. C'est hier que nous avons commencé à introduire notre grand enseignement sur la sacrificature. Nijana tureanja kusemea mafundisho yetu munene juu ya kikuani. J'aimerais que nous puissions évoluer ensemble avec les gens. Nataka tuendelee pamoja na kanisa. C'est pourquoi j'aimerais faire une petite révision avant de continuer. Na hapa napenda kurudia kidogo nyuma kabla ya kusonga mbele. J'ai attiré votre attention hier avant que je ne commence cet enseignement. Jana nilivuta angalisho yenu kabla ya kuingia mupana mafundisho hii. Qu'il est très important à chaque frère et à chaque sœur d'être régulier à l'église pour suivre cet enseignement. C'est dans votre intérêt. Si vous suivez les enseignements d'une manière entrecoupée, Satan te saisira exactement à l'endroit où tu n'as pas compris. Et il tordra ton esprit et ton cœur. Nous avons dit hier à l'église que l'église doit être enseignée correctement sur toute chose et en toute vérité. On doit enseigner les choses correctement. Avec l'ensemble des témoignages des Écritures. Sawa sawa na maushuda ya mandiko. Et avec l'ensemble du message du temps de la fin. Na pamoja ya ujumbe yote wakati ya mwisho. Je dis hier. Jana milisema. Si l'église, une église ou une personne. Ikiwa kanisa au mtu. Ne supporte pas la vérité de la parole biblique. Yeye avumilie ukweli ya neno la Biblia. Ou ne peut pas supporter la correction de la parole, la correction par la parole. Au yeye aweze kavumilie usaisha kupitia neno la Mungu. Lorsqu'elle est apportée dans sa totalité. Wakati neno la Mungu linahubiriwa katika utele yote. Cette église ou ces hommes ont de faux cœurs. Kanisa hii au watu wao wana mioyo ya mubaya. Vous vous souviendrez des enseignements que j'avais apportés sur la démonologie. Hapa mtakumbuka mafundisho nilitaka yule mapepo mchafu. J'avais parlé sur l'esprit de la séduction. Nilisemeaka yule ya roho ya utongozi. J'avais parlé sur l'esprit de l'erreur et l'esprit d'égarement. Nilisemeaka yule ya roho ya kosa na roho ya kupotea. Et les bandes sont encore là. Na matep ikwapo. Nous avons montré hier Jana, tu le sais, man, que tous les conseils de Dieu doivent être annoncés à l'église. Ya kwamba inapasha kutangaza shauri yote ya Mungu ku kanisa. Un homme de Dieu, un chrétien ne prend pas des versets isolés ou des citations isolées de leur sens pour en faire sa propre doctrine. Mutumishi wa Mungu au mukristo abebake mamisemo yenye anaenda nayo pembeni juu ya kuleta maana nyingine. Nous prenons l'ensemble des témoignages des écritures. Tunabebaka wingi yote ya maushuhuda Biblia. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham, dans le nom de Jésus, donne cet avertissement. Aiko bule ndugu banano mahubiri jina ya Yesu analeta yokalamusho. Un homme ne peut pas fonder toute l'éternité sur une seule citation, non un nom. Mutu asiweza kashimamishe milele yule amuseme tu moyo. Hapana. C'est pourquoi l'écriture elle-même dit il faut deux ou trois témoignages pour établir la vérité. Na ndiko nasema juu ya ukweli ipate kuya yako inafaa kukuye maushuda mbili au tatu. C'est pourquoi nous avons dit. Na sijara tulisema comme tous les conseils de la parole doivent être annoncés. Sawa vile shauri yote ya neno la Mungu napasha tangaziwe. La parole de Dieu ne doit pas être taillée à la mesure des prédicateurs ou des pasteurs. Neno la Mungu haiwezi kashimamisha tu mkuona kwa wahubiri au kwa wachungaji. Non bien-aimé frère et sœur. Apana. L'église étant la colonne et l'appui de la vérité, kanisa sawa vile nguzo na tegemeo la ukweli, on doit y apporter rien que la vérité biblique afin que les enfants de Dieu deviennent une habitation divine. Inafai mukanisa baubiri mpaka neno la Mungu la kweli ili batoto ya Mungu bapate kwa makao ya Mungu. Tout ce que nous enseignons, yote nafundishiwa, que ça soit la parole doctrinale, ikakuwe maneno ya, que ça soit la parole évangélique, au maneno na ngali ya, que ça soit la parole prophétique, au maneno na ngali ya unabii. L'objectif est l'unique, kifunguzio ni moja tu, faire d'un véritable fils de Dieu, kufanya mtoto wa Mungu wa kweli, un homme parfait en Christ, awe mtu mkamilifu katika Kristo. Vous voyez, naona, nous avons dit hier, Jonathan, si ce sont des mensonges qui sont annoncés dans l'église, kama ile natangaziwa mkanisa ni maneno ya uongo, il sera difficile aux croyants d'être une habitation du Saint-Esprit. Itakuwa kigumu kwa waaminifu bapate kuya makao ya Roho Mtakatifu. L'église n'a pas le droit à l'erreur. Kanisa haiwezi haina na ruhusa ya kuamini ukosa. L'église, dans l'église, on doit seulement y apporter rien que la vérité. Il n'a pas ce qu'il doit au kanisa, il n'a pas ce qu'il y a ukweli tu mtu. C'est pourquoi hier en prenant 1 Timothée au chapitre 1 verset 3, mukukamata wa Timothée wa kwanza moja Paul a instruit son fils Timothée. Paulo anafundisha mwana wake Timothée. Et c'est la même instruction que nous recevons ce soir. Na ile mafundisho moya moya tunaipokea magharibi. Éviter d'enseigner d'autres doctrines dans l'église. Kuepuka kufundisha mafundisho mengine mukanisa. Voilà pourquoi il avait engagé Timothée à rester à Éphèse pour apprendre à quelques gens. Je m'en ai parlé à l'église de Timothée à Bakie pour Éphèse. À quelques hommes. À fundiche ou à toi moja. Tu vois que Paul ne les appelle même pas des serviteurs de Dieu. Na Paulo, il les appelle à quelques personnes. Asima bantu wa moya. Pourquoi? Parce que c'était des gens sans mandat divin, mais qui avaient l'intention de parler à l'église des choses que Dieu ne leur avait pas mandaté. Ni watu abakwe na mwito wa Mungu lakini walikuwa na kusudi ya kusemea utaifa ya Mungu yule abitu ile Mungu ashukuri. Reste à Éphèse. Kwa hulu anamambia Timothée ubakie kwa Éphèse. Afin de recommander à ces gens-là qui n'apportent pas dans l'église de Dieu vivant qui est la colonne et la pluie de la vérité autre chose que la parole. Bashubiri bitu bingine isipokuwa neno. C'est pourquoi il a dit, na ya lisema, afin que le peuple de Dieu il dit, taifa la Mungu, ne s'attache pas à des fables bah, et à des généalogies enfin ya shipo mwisho, qui produisent des discussions il dit, il et qui n'avance pas l'œuvre de Dieu dans la foi. Et j'aime que l'Église comprenne correctement ce que le Saint-Esprit dit. La parole de Dieu, comme je l'ai dit hier, n'est pas enseignée pour en faire un sujet de discussion. Non. La parole de Dieu est enseignée pour être crue et être vécue afin que Dieu puisse accomplir sa volonté dans son Église. Neno ya Mungu inahubiriwa ili bantu wapate kuyamini na kuishi na ye Mungu atimize mapenzi yake mukanisa. Lorsque les fables wakati et les généalogies na kufatala kwa mavizazi sans fin sont annoncés dans les livres inatangaziwa mukanisa, cela produisent des discussions ili kuna la musha bubishi et les discussions dans l'église na mabubishi n'avance pas l'œuvre de Dieu aita songesha mbele kazi ya Mungu n'amène pas la paix dans l'église aita leta amani mukanisa, cela arrête la foi de croyant iko na shimanisha imani ya waaminifu. Est-ce que l'église est avec moi? Kanisa eti unafuata? Très bien. Vizuri. Les fables c'est quoi? Maadisi yo ni nini? Si vous prenez, quand j'ai médité là, wakati niko na fikiri, les fables signifie maana ya maadisi maana yake un récit à la base de l'imaginable. Ni hadithi moja ile haina tena msingi, yani iko tu mu mafikiri. C'est un conte. Ni hadithi moja bana hadithi lakini haina na ukweli. C'est une fiction. Ni bidi ya kuzania. Quelqu'un dans sa pensée conçoit une pensée, conçoit une chose qui n'est pas la réalité. Muntu anatunga tu kitu kimoya kasio kwa na msingi. C'est une légende ou un mythe. Ni kusemea tu bidi moja la kuwazia. L'église de Dieu, un croyant ne doit pas baser sa foi sur des fables, des choses imaginaires, des légendes, des fictions qui n'ont rien avec la vérité, avec la réalité. Un croyant fonde sa foi sur la vérité biblique. Les généalogies c'est quoi? C'est une science qui a pour objet la recherche d'une filiation. Et Une liste qui donne la succession des ancêtres de quelqu'un. Daftari ile inaanza kufuata kuzalikwa kwa mtu kutoka kwa bankambulu. Pour montrer une lignée. Kuonesha kizazi kimoya hiki. L'église n'a pas besoin de ces choses. Kanisa haitaji kufahamu kizazi ya mtu. Qu'est-ce que c'est les généalogies dont Paul parle ici? Kufuatana kwa kuzalikwa Paul nasemea kuni nini? Ce sont les gens qui n'ont rien à donner pour l'édification à l'église. Ni bantu abana bindu ya kuhubiri ndio kanisa jengiwe. Qui commencent les histoires. Bananja kuteka tu maadisi. Cette église ici avait commencé comme ceci. Oh kanisa ilianjaka hivi. Cette église ici, moi j'avais écrit le premier. Oh minje mina mini wa kwanja mu kanisa. Et ensuite c'est fidèle. Kisha yake fidèle na fuata. Et après fidèle. Kisha fidèle kwa mini. Ça devient maintenant Senga. Nakuya Senga. C'est moi qui suis le premier, qui suis le premier prédicateur. Minje bilanja kubiri wa kwanja. C'est ce que la Bible appelle les généalogies. Dieu le Bible n'a été fatana. Aujourd'hui, Léoï, si je vous annonce la genèse de cette église, l'historique de cette église, ça va vous avancer en quoi spirituellement? Je vais commencer à vous expliquer comment j'ai quitté Tambo, j'ai quitté Likasi. Je suis venu ici. Comment nous avons commencé l'église dans la maison de Frère Josué, qui est le pasteur de Kampemba. Et ensuite nous sommes partis chez Frère Mouyaya. Et enfin Dieu nous a donné ce terrain. Même si j'annonçais cela, ça va vous avancer en quoi dans le spirituel? C'est en vous donnant la généalogie de cette église que vous serez né de nouveau et vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez cette église quand nous avons commencé. C'est Chibouawa qui était l'ancien du pasteur. Avant qu'il devienne administrateur. Ça va aider l'église en quoi? En quoi? L'église a besoin de la parole de Dieu pour son avancement spirituel. L'église a besoin de la paix pour se concentrer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit du Christ. L'Église n'a pas besoin de généalogie. C'est ce que Paul dit à Timothée. Il est pas où là, à Timothée. Il dit attention avec ces gens qui apportent à l'église autre doctrine. C'est ma soupe quand on va tout on a fondé son canis, on a fondé son guilla musin. Il s'attache à des fables. On a baki à tout na maadisi. Où quelqu'un raconte des histoires qui ne sont pas la réalité. Des choses qui n'avancent pas l'œuvre de Dieu. Oui, bien-aimé frère. Dieu. Oui, bien-aimé sœur. Dieu dada. Paul dit et dit cela. Et pourquoi il est les fables et les généalogies. Ma dit si la fatana pawatu. Parce que dans l'église, comme il y a toujours trois sortes de croyants, il y a des gens moins spirituels qui sont habités par les démons, qui ne comprennent pas la parole de Dieu, mais qui s'attachent à des des choses imaginaires, des fables et des généalogies. Vous voyez, cela est l'œuvre du diable. Et Dieu n'en veut pas dans son église. Dieu ne veut pas qu'on apporte les mensonges dans son église. La parole de vérité de la Bible nous est enseignée, nous est annoncée comme la révélation de la volonté de Dieu pour notre instruction. Afin que nous la mettions en pratique. Et quand la volonté de Dieu est révélée, quand la parole de Dieu est annoncée, tous les fils de Dieu s'alignent. Quand la vérité de Dieu est exposée, tout celui qui avait un faux esprit dans son cœur se répand et s'aligne sur la vérité. Et nous vous avons dit hier, pourquoi la volonté de Dieu, même comme avec Israël, Dieu a appelé Moïse sur la montagne et il lui a donné des lois et des commandements. Il dit allez vers Israël, que ce peuple là entende les lois que je t'ai données pour leur instruction. Pourquoi Dieu instruit son peuple? C'est pour éviter les débordements comme l'a montré dans la marche de l'église et pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur son église, qui peut même entraîner la mort des innocents. Vous voyez bien mes frères, c'est pourquoi la volonté de Dieu est révélée. Paul a dit, nous l'avons dit hier, et nous continuons à insister, pour nous enseigner, éviter les disputes de mots, éviter les discussions entre frères. Si quelqu'un ne veut pas comprendre la vérité de Dieu qui est exposée, ce n'est pas dans les discussions qu'il comprendra la parole de Dieu. Ceux qui s'engagent dans les discussions sont premièrement des hommes souillés. Si vous voyez un frère ou une sœur qui ne veut pas se soumettre au conseil de la parole de Dieu et qui aime les discussions parce qu'il prétend être spirituel, abandonnez-les le plus tôt possible afin qu'il ne vous suive pas et qu'il ne vous transmette pas ces démons de discussion. Sinon, tu vas arrêter ta progression spirituelle et vous allez gâcher votre expérience. Oui, bien-aimés frères, oui, bien-aimés sœurs, tout le monde qui vient à l'église n'a pas les mêmes objectifs. Il y a ceux qui viennent pour l'argent, il y a ceux qui viennent pour être prédicateur, pour être diacre, pour être pasteur, il y a ceux qui viennent pour le matériel, parce qu'il trouve que la prédication est une chose facile, il aura suffisamment de moyens pour facilité. Vous voyez, il y a ceux qui suivent leurs femmes, il y a ceux qui suivent leurs maris, il y a ceux qui suivent leurs parents, il y a ceux qui suivent leurs amis, il y a ceux qui suivent beaucoup de choses. Tu ne connais pas qui est élu et qui ne l'est pas. Même le frère qui est assis à côté de toi, même la sœur qui est assise à côté de toi, tu ne sais pas ce qu'il a amené dans cette église. Mais tout homme révélera sa nature au temps de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, je vous le lirai plus tard, Dieu amène des fois les tensions dans l'église. C'est pour que chaque semence montre ses couleurs. Vous voyez, les discussions n'amènent pas, n'avancent pas l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Satan. C'est pourquoi quand la vérité de la Bible est apportée, les enfants de Dieu se réjouissent. Ils détestent les mensonges et ils aiment la vérité. Quand je suivais la bande sur la démonologie, quand j'avais enseigné dans cette église la séduction, l'esprit de séduction et de garenne, j'avais dit une chose en enseignant que quand le diable vient pour s'infiltrer dans l'église, il n'est pas pour vous dire que non, maintenant c'est moi le diable, maintenant je vais parler pour détruire l'église, c'est moi qui suis Satan, je vais prêcher pour entraîner les disciples derrière moi, c'est moi qui suis Satan, je vais maintenant parler pour avoir Dieu. De l'influence. Non, il ne le fera pas. Satan se passe toujours comme un ange de lumière. Et il utilise toujours des hommes comme le Saint-Esprit aussi utilise les hommes. Vous voyez bien, mes frères. Les enfants de Dieu détestent les mensonges. Ils aiment la vérité. Nous avons montré hier que nous trouvons parmi des prédicateurs et des pasteurs des hommes qui prêchent avec les intentions qui ne sont pas pures. Ils prêchent avec un esprit de dispute. C'est pourquoi nous avons insisté hier pour dire toute prédication qui ne vise pas l'édification de l'église, qui ne vise pas la vie de Dieu dans le croyant, mais qui a autre mobile que l'argent, que l'honneur, que le matériel, ne vient pas de Dieu, c'est Satan. Vous voyez, Paul a dit à Timothée, Paolo a dit à Timothée, vous devez avoir un cœur pur. Quand vous apportez la parole, vous devez avoir une conscience pure. Vous devez avoir une foi sincère. Quand quelqu'un monte du haut de la chair pour dire, aujourd'hui, je vais attaquer le pasteur Senga. Léo, on t'a oublié une fois Manisha Musé Senga. Déjà, c'est faux. Qui fait que vous avez une belle nyamouba. Il n'y a pas Dieu. Na, Anna Mungule. Ce qu'on voyait, Frère Branham dit. Na, Frère Branham. Il donne conseil au prédicateur. Anna Chaudia wa oublié. Avant de monter du haut de la chair. Kabla kupanda kumimbali. Le prédicateur doit sortir de la présence de Dieu. Mubiri, à la page ato kenjo mwe. Si un prédicateur il ne peut pas apporter la parole de Dieu. Il va semer la mort. Vous voyez, la chair n'est pas une place pour les règlements de compte. Quand nous venons ici, soit nous allons vous parler comme le frère a prêché, nous allons vous parler par connaissance ou par révélation. Vous voyez, nous allons parler par connaissance, par révélation ou par inspiration. Voilà les choses qui édifient l'église. Sans autre mobile derrière. Oui, bien aimé frère. C'est ainsi que nous avons montré qu'avoir une bonne église, c'est la qualité de l'Esprit de Dieu qui opère dans cette église-là. Et le caractère de Christ qu'on trouve dans ses membres et le caractère de Christ ne vient que par les enseignements vrais et purs. Vous voyez, l'Esprit de Dieu est pacifique. L'Esprit de Dieu est réconciliant. Oui, bien aimé frère. C'est ce que nous avons montré hier. Est-ce que jusque-là, l'Église est avec moi? Qui ont compris? Voilà, qui. Si vous n'avez pas compris, ne levez pas votre main. Kama weye awele weyo shila mushi mukono wako. Parce que j'enseigne l'église. Sababu apa niona fundisha ni kanisa. Et je parle avec l'église. Na niko na sungumuza ndio na kanisa. Je suis en train de m'acquitter de mon devoir. Niko na fanya kazi yangu. Je ne suis pas un étranger. Je suis dans l'église dans laquelle Dieu m'a placé comme responsable. Et je dois vous enseigner correctement. Nous pouvons maintenant avancer un peu. Dans ce message, la sacrificature. Nous y englobons toutes les choses principales et importantes doctrinales qui concernent le ministère, les charges dans l'église, les dons de l'esprit, l'ordre dans l'église locale, l'ordre dans l'église universelle, le corps de Christ. Nous parlerons de la conduite des prédicateurs, de la conduite du pasteur, des diacres, et de tous les offices et de la discipline dans l'église. Nous parlerons sur ces choses. En bref, nous parlerons de la sacrificature dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi nous invitons l'église de Cambo à venir écouter attentivement. Écouter attentivement. Parce que votre salut et votre croissance spirituelle en dépend. Dieu ne veut pas qu'un frère soit trouvé dans l'erreur pensant qu'il est dans la vérité. Nous parlerons dans cet enseignement des choses très importantes. Écoutez et gardez la parole dans vos cœurs pour la vivre. Comme Jésus-Christ dans Luc au chapitre 11, dans le verset 28, c'était exclamé. Lorsque les gens de Marie, les adorateurs de Marie, dans le verset 27, on dit: Heureux les seins qui t'a porté. Oh, Eli. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Eli qui fait que tu couches. Marie avait même des adeptes. Marie avait des adeptes même avant qu'il ne meure. Les gens ont entendu Jésus enseigner. Ils ont vu faire de grandes choses. Et les gens de Marie, les adorateurs de Marie, quelqu'un s'est levé dans l'église. Et les seins qui t'ont porté. Et les mamelles qui t'ont allaité. Jésus répond parce qu'il ne supporte pas l'erreur. Il répond tic au tac. Il est plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Il est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Il est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde. Bantu mwenye kuya eli, muntu mwenye kuya eli, nibale mwenye kushikia neno, na kutumikia, bila ambao walishikia. Qui met en pratique ce qu'ils ont écouté. Oui, bien aimé frère et soeur. Dieu le coup. C'est ça l'homme le plus heureux. Oyo, Dieu mwenye kwa nara. Esaïe 48. Isaïa makumine na mnani. Dans les versets 17 et 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Mais notre Dieu nous instruit pour notre bien, pour le salut de notre âme. Il montre la voie, il nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Oui, bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un n'a jamais été destiné à suivre la voie de Christ, il tombera certainement. Il ne fera pas long feu. Vous savez que dans l'église, l'église est comme une femme. Vous savez, dans cette église ici, si on amenait un prêtre pour prêcher, il y aura des gens qui donneraient raison au prêtre. Qui croit cela? Qui croit que si on donnait la chair au prêtre dans cette église, il y aura des gens, ce n'est pas toi, peut-être c'est quelqu'un d'autre, qui donnera raison au prêtre que lui aussi enseigne la parole de Dieu, lui aussi c'est un serviteur de Dieu. Qui croit cela? Vous voyez? C'est la vérité. Une fois dans notre église de Mbujimayi, on a amené un pentecôtiste. J'ai même des bandes à la maison. Il a prêché, il a prêché. Et à la fin, les gens tombaient le Saint-Esprit. Bantu, bananguka Roho Mtakatifu. Tout le monde n'est pas prédestiné à la vie. Bah, tout votre père, c'est que vous y m'a. Oui, bien aimé frère. Guillaume. C'est pourquoi écoutez pour votre instruction. Comment là? Je suis qui est que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons maintenant parler de la chute de l'homme et de l'origine de la sacrificature. Tutasemea juu ya kuanguka kwa mtu na mwanzo wa kuhani. Je ne suis pas pressé quand le temps arrive. Quand le temps arrive, tukafika wakati ya kuacha. Je dois arrêter un peu. Acha tuendelee. Nous allons maintenant commencer à parler de la chute de l'homme et de l'origine de la sacrificature. Comme vous le savez tous, au commencement, lorsque Dieu créa toutes choses, Dieu les fit dans toute la perfection. Bitbiote bilikuwa katika ukamilifu. Dieu avait créé les anges. Mungu anaomba ba malaika. Avant les anges, kabla ya kuumba ba malaika, il a d'abord commencé par se créer un corps. Yeye mwenyewe alijumbia mwili. La première créature ou la première création d'Elohim, kiumbe cha kwanza au kiumbile cha kwanza chenye kwa Elohim, c'est Dieu, ni Mungu. Ce que nous appelons Jéhovah, Dieu tunaita Jéhovah. Ce que nous appelons le Logos, tunaita Logos. Ça c'est une partie concernant la divinité que j'avais déjà enseigné dans cette église. Jéhovah, la parole, Neno, le Logos, Logos, Dieu, Mungu, qu'on appelle Fils, Mwana, c'est un corps spirituel créé à partir de l'Esprit dans lequel Dieu, Elohim, Elohim, cet homme, cet être surnaturel et éternel qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, qui habitait dans une lumière inaccessible que l'homme n'a jamais vue, que l'homme ne peut voir. Quand cet homme a quitté cet être surnaturel, a quitté l'éternité, il a pris le premier corps. Il s'est créé un corps que nous appelons la parole. C'est à partir de ce corps qu'il créa les anges, qu'il créa le ciel et la terre, qu'il créa les choses visibles et invisibles, telles que nous l'enseignons toujours. Quand Dieu arrive au terme, parce que la première création c'est la lumière et la dernière création c'est l'homme, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, Dieu ne s'adressait pas aux anges, Dieu s'adressait à son corps. Faisons l'homme à notre image. Il ne s'adressait pas aux anges, il s'adressait à son propre corps. C'est dans la création que le corps de la parole que nous appelons la théophanie, le Logos, Jéhovah, que nous appelons Dieu, parce que Dieu est une et un objet d'adoration. C'est dans ce corps spirituel que nous appelons la théophanie, que l'esprit de toute éternité, que Elohim est venu habiter. Et quand il dit faisons l'homme, il s'adressait à son corps par lequel il a créé toutes choses. L'esprit de Dieu, l'esprit d'Elohim a créé toutes choses par le corps parole. C'est l'esprit et la parole qui ont créé. Quand Dieu dit, Dieu prononce, Elohim prononce, que la lumière soit. Le Saint-Esprit était derrière cette parole pour confirmer cette parole et pour la vivifier et pour la rendre réelle. Le Saint-Esprit suivait et la confirmait et la lumière apparaissait. Dans la création, il y a eu les deux, la parole viwili kwa neno de Dieu. Na roho ya Mungu. Dieu ne s'adressait pas aux anges. Akwa na sungumuza na malaika. Bonam ana expliqué. Dugu bana mane fasiria. Dans question réponse. C'est dans beaucoup de messages. Dans question réponse. Juste na majibu. Sur la Genèse. Yule ya mwanzo. Bonam ana parlé. Dugu bana mali semé. Il ne s'adressait pas aux anges. Tufanye mtu kwa mfano wetu, Mungu hapa anasema na malaika. Non, il parlait à son corps. Alikuwa anasema na mwili wake. Oui, bien aimé frère et soeur. Dieu, nous avons dit en pendo. Dans le paragraphe 43, à la page 9, il dit ceci. Il mit toutes les choses ensemble. Il fit toutes les choses. Tous les genres animaux, les oiseaux, les abeilles, les singes et les autres choses. Il plaça tout cela ici sur la terre. Et puis il posa alors cette question. Faisons qui? Nani? Père Baba et fils. Na mwana. Vous voyez? Munaona? Faisons qui? C'est qui? Il s'adressait à qui? Alikuwa anasema na nani? Au père kwa baba et au fils. Na kwa mwana. L'homme à notre ressemblance. Tufanye mtu kwa kutufanana. Vous voyez? Munaona? Passe dans le jardin d'Eden. Même lorsque l'homme était créé, il était dirigé par le Saint-Esprit. Dieu avait créé toutes choses dans la perfection. Même les anges. Même Lucifer. Même les anges qui se sont révoltés. Suivez l'enseignement sur la démonologie. J'avais tout expliqué là-dedans. Vous voyez, tout était parfait. C'est Lucifer lui-même. Lucifer lui-même. Qui s'est suivi. Alijitafusha par de longues méditations, kupitia mafikiri mrefu, par de longues réflexions, kupitia mawazo ya Mungu. Vous voyez, unaona? Il est sorti en dehors de la volonté de Dieu. Yeye mwenyewe alitoka mapenzi ya Mungu. Il est tombé. Na kuanguka. Suivez l'enseignement sur la démonologie. Yule mapepo mchafu. Sur l'origine de Lucifer. Yule mwanja alizi. Sur l'origine des démons. Na mwanja mandemo. Alors vous comprendrez pale comment quelqu'un namna kanimu de Dieu. Comment un homme se suit lui-même? Le premier démon, ce n'est pas ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le premier démon qui peut te suivre est amené en fer, c'est toi-même. Ce n'est pas pour rien que Frère Branham disait le plus grand ennemi de William Marion Branham, c'est Branham lui-même. Vous voyez, mais Dieu a fait tout dans la perfection. Si Lucifer était imparfait, kama Lucifer akukui wa, si l'homme était imparfait, kama mtu mwenyewe asukue mkamilifu, la rébellion de Lucifer tomberait sur Dieu. Il passe quoi encore ça y a Mungu. Vous voyez, la chute de l'homme tomberait sur Dieu. Il passe quoi encore ça y a Mungu. Dieu dans sa sagesse Mungu mwechima yake a créé l'homme avec sa propre liberté. Anaomba mtu mwenye kuwa huru. Il est libre. Tu es libre mon frère. Tu es libre ma sœur. Oui, de faire tout ce que vous voulez. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est libre. Il a créé aussi ses enfants. Nous avons tout expliqué. C'est en utilisant mal la liberté, sa liberté, que Lucifer est tombé. En utilisant mal ta liberté, tu tomberas. En tant que croyant, nous ne sommes pas libres. Nous soumettons notre liberté à la volonté de Dieu révélée. Amen. Oui, bien aimé frère et sœur. C'est pourquoi faites très attention avec votre liberté. Regardez-moi aujourd'hui dans le monde. La démocratie, c'est la liberté. Démocratie, oui, il y a des gens qui comprennent mal cela. kuelewa vibaya. Kristo ne comprend pas la liberté. Kristo hawezi kuelewa. On est païen. Uyahudi kama vile mpagani. Apôtre de la démocratie. Lui a démocratie. Apôtre de la liberté. Yahudi. Aujourd'hui, il y a des homosexuels. Uko bako wana banome na banome. C'est la liberté. Ndoko huru. Mais c'est une liberté satanique. Lakini huru ya shetani. De la liberté. Vous voyez, les gens couchent avec des chiens. À cause de la liberté, les gens marchent nus. Vous ne pouvez pas lui dire quelque chose. Il dit c'est ma liberté. Vous voyez, mais lorsqu'on utilise sa liberté en dehors de la volonté de Dieu, vous n'êtes plus libre. Vous tombez dans l'esclavagisme. Oui, bien-aimé frère. Diondo. Oui, bien-aimé sœur. Diodada. Je suis libre. Lucifer était libre. Lucifer est le roi Ouro. Toute création était créée libre. Oui, bien-aimé frère. Dieu avait créé toutes choses dans la perfection. L'homme créé par Dieu au commencement ne connaissait ni péché, ne connaissait ni honte, ne connaissait ni souffrance, ni malheur, ni mort. L'homme créé à l'image de Dieu ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas la honte. C'est pourquoi, quand Dieu est venu, quand l'homme est tombé, l'homme s'est caché. Il appelle Adam. Répond, mais voici. Adam a dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Mais je suis venu derrière ces armes. Je suis nu. Et Dieu lui répond, qui t'a appris que tu es nu? Il y a quelqu'un qui est venu lui dire, lui expliquer la nudité. Vous voyez, parce que tu dis, Adam était nu, mais il n'en avait point honte. Il était couvert de la gloire de Dieu. Il ne connaissait pas la honte. Il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas le malheur. Il ne connaissait pas la souffrance. Il ne connaissait pas la mort. Oui, bien-aimé frère. Dans le jardin d'Éden avant le péché, il n'y avait que paix. Il n'y avait que sainteté. Il n'y avait que joie. Il n'y avait que la vie éternelle. Tout était créé pour la vie. Il n'y avait aucune souffrance. C'est la chute qui nous a menés. Aujourd'hui, nous suivons. Nous suivons. Pour manger. Aujourd'hui, nous gémissons. Nous souffrons. Nous tombons malades. Oui, bien-aimé frère. À cause du péché. Mais l'homme créé avant la chute était dans une perfection. Il ne connaissait pas le péché. Il ne connaissait pas la mort. Il ne connaissait pas la souffrance. Il ne connaissait pas le malheur. Parce que Dieu ne pouvait pas créer son fils pour la souffrance. Dieu n'a jamais créé un homme pour mourir. Dieu n'a jamais créé un homme pour souffrir. Non, Dieu n'a jamais créé un homme pour le malheur. Qui parmi nous en tant que parents mais on montre ses enfants pour les voir souffrir? Qui parmi nous peut donner naissance aux enfants et commencer par les maudits? Il dit, toi Ngoï, je ne vais pas te voir prospérer. Tout croyant, tout parent veut voir ses enfants prospérer dans la bénédiction. Il veut les voir vivre heureux. Il veut les voir vivre en paix. Il veut que le bonheur les accompagne. C'est le désir de tout enfant. kusudi. Quand un enfant commence la prostitution dans la maison de son père, quand un enfant se révolte dans la maison de son père, c'est la brise de le cœur du parent. Ce sont les enfants eux-mêmes qui se plongent dans la malédiction à cause de la désobéissance et de la rébellion au conseil des parents. Mais quand un parent donne naissance à son fils, il souhaite la bénédiction. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, nous amenons nos enfants à l'église pour demander la bénédiction de Dieu sur eux. C'est le souci de chaque parent qui ne veut pas voir les enfants souffrir. Comment les dieux d'éternité, la source même de l'affection, de l'amour, pouvait créer l'homme pour souffrir? Non, bien aimé frère, non, bien aimé sœur, il y avait la joie. Pourquoi? Vous voyez, même aujourd'hui, il n'y a personne sur cette terre. Quand des hommes se marient, ils ne se marient pas pour la souffrance. Il n'y a aucun homme qui va vers une fille, il dit à chérie, je vais t'épouser pour souffrir avec moi. Qui l'a déjà fait? Tu vas en faire. Mais je vous fais un adam. On se marie, c'est pour la joie. On se marie, c'est pour la paix. Pour marcher dans l'harmonie. Quand on a un bantu, qui est d'abord Koana, Bananda ou Kosana, ou Kweri Bravunjika, Bananda ou Chambulana, Juki Nakuya Mundoa, Aina Kamapenzi Yamungu, Nikazi Yashetani. Satan. Les gens peuvent se justifier comme ils veulent, mais ce n'est pas Dieu. La guinée a été du Guamou. C'est pour Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Oui, bien aimé frère. Si on s'est marié pour souffrir, si on s'est marié pour les troubles, personne ne s'est marié. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Même dans le domaine spirituel, si Dieu donne naissance à une église, lorsque Dieu fonde une église quelque part, quand les enfants de Dieu viennent, ils viennent se réunir autour de la parole, c'est pour la paix. Si vous voyez, après qu'une église ait commencé, il y a maintenant du désordre, il y a des troubles, il y a des calomnies, vous voyez, il y a de la haine, il y a de la médisance, ça c'est l'œuvre de Satan. Ce n'est pas Dieu. Si Dieu nous a appelé au salut, c'est pour marcher dans l'unité, c'est pour marcher dans la paix, jusqu'à la statue de l'homme parfait. Les divisions, c'est l'œuvre du diable. Le Saint-Esprit travaille pour l'unité. C'est pourquoi dans le jardin d'Eden, il y avait de l'harmonie, il y avait de la paix, il y avait de la joie. C'est la sainteté partout. L'éternel péché n'existait même pas. Satan et Adam n'en connaissaient pas. Eve n'en connaissait pas. Oui, bien aimé frère, c'était la perfection. Nous, nous sommes dans un royaume de paix. C'est pourquoi le pardon nous a été donné. Comme Dieu que nous sommes, Dieu que nous sommes des hommes, en tant qu'homme, nous commettons certainement des erreurs. Mais à celui qui commet une faute, on lui demande de se repentir. La repentance a été donnée uniquement aux enfants de Dieu. Cela n'a jamais été donné aux enfants du diable. C'est C'est vrai, frère. Dans notre royaume, c'est la paix. C'est l'amour. C'est le pardon. C'est la sainteté. C'est la joie. C'est vrai. Ça va. J'ai dépassé de 3 minutes. Nous allons continuer demain. Nous voulons respecter le temps. Et venez écouter. Priez pour moi. Pour que Dieu m'assiste. Qui me donne la force. Qui me donne une bonne méditation de la parole. Vous savez vous-même que je viens d'un très long voyage. Effectivement, je suis fatigué. Mais le devoir pastoral oblige de prêcher. Aussi longtemps que Dieu me donne un souffle de vie. Avant que je ne sois complètement foutu, mais que je serve le Seigneur aujourd'hui d'abord. Ma santé me fatigue après. Oui, bien-aimé frère. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Où il y a la paix. Où il y a l'harmonie, la vie éternelle. Comme Adam a été créé dans la perfection, le péché a tout su, a tout embrouillé. La parole de Dieu que nous apportons a un seul objectif, c'est nous retourner à ce que Adam était avant le péché en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuerons demain. Si le Seigneur nous prête vie. Si cela est la sa volonté. Écoutez. Et écoutez attentivement. Levons-nous pour la prière.